Alors, Dickens, temps difficile. Alors, c'est un. Il est dit comme étant le livre le plus social de Dickens. Mais, d'une certaine manière, il est beaucoup plus philosophique que social. Alors, je m'explique. C'est pas du tout l'équivalent de Zola. Ou de Germinal plutôt, parce que bon, ça dépend des Zola quand même. Mais c'est pas du tout le Zola anglais pour moi. Bien sûr, il a une vision politique, Dickens, là, quand il décrit le. Là, parce que ça se passe dans le monde, dans une ville imaginaire, Cocktown, donc jeu de mots, hein, la ville du charbon, hein, la ville noire, donc bon. Son but, il décrit ça se passe donc dans l'environnement du monde ouvrier de Cocktown. Alors ouvrier dans le domaine du textile. Mais il part pas du tout dans une description précise hein, de ce qui se passe dans les usines. Il a une double approche. Il part à la fois du destin, enfin des riches et de l'ouvrier. Alors, comment ça se passe? Bon, je vais d'abord donner cette vision d'ensemble et puis après je parlerai plus de l'histoire. C'est-à-dire qu'il réfléchit plus à ce qu'implique la révolution industrielle sur le plan psychologique. N'ayons pas peur des mots, ou morale, ou de santé psychologique, enfin bon, je vais m'expliquer après, que sur le problème de la de l'injustice sociale elle-même. Elle est présente, mais à la limite, il la dénonce pas vraiment, il la dénonce pas réellement. On sent bien que c'est quelque chose. Bon. Qui ne cautionne pas, mais bon, elle est un peu inéluctable, quoi, selon lui. Par contre, il réfléchit à l'impact de la révolution industrielle sur les hommes. Alors, du point de vue de l'ouvrier, effectivement, c'est une vie. Bon, alors là, il part pas non plus dans les détails, parce que finalement, il se concentre beaucoup plus sur les riches. Mais du point de vue de l'ouvrier, tout simplement, c'est une vie qui perd son sens un peu, vidée de sa substance, c'est-à-dire l'homme est réduit à l'état de machine et il est là pour être productif et plus pour être un être humain, plus pour penser, plus pour bon. Mais ça, il le dit peu. Il le dit peu parce que ça, ce reproche-là, finalement, est surtout fait aux riches. C'est-à-dire que donc il y a le destin de l'ouvrier, mais il y a aussi le destin donc du riche qui finalement est plus présent. C'est un député, je crois. Hein, bon, il sous-entend bien que c'est une démocratie à 2 euros, hein, que bon voilà, ils vont faire leur petite histoire de députés, mais que ça aide pas du tout ça améliore pas grand-chose pour les pauvres et que parce qu'ils ont des préoccupations. Qui sont très loin de celles des gens qui sont dans la difficulté. Donc, alors le riche, c'est attaqué. Le livre se concentre sur le fait que l'industrialisation se fait par une rationalisation. Alors, bon, je ne sais pas s'il force le trait, hein, Dickens, parce que c'est difficile à dire. Mais c'est un monde effectivement affreux qu'il décrit. Mais c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on peut dire du monde d'aujourd'hui aussi. C'est pas quelque chose de vraiment de révolu du tout. Sauf qu'aujourd'hui ça s'applique à d'autres, c'est pire d'une certaine manière parce qu'on applique ça au monde humain aussi, on veut rationaliser l'humain et pas seulement les machines. C'est-à-dire, on veut pas seulement que les humains aident les machines au mieux, on veut que l'humain soit la machine d'une certaine manière. Bon. Mais avec ses qualités d'humain, en vrai. C'est-à-dire qui s'exprime, qui de façon humaine, mais complètement codifiée, complètement maîtrisée. Bon, ouais. Alors, donc la thèse de Dickens, c'est que cet homme-là, donc le député là, lui, il s'appelle, bah, j'ai oublié, c'est magnifique. Grat Green. Alors, il y a un jeu de mots, j'ai oublié, mais il est pas. Pour nous, ça sonne pas trop. Monsieur Grat Green. Je vais vous lire quand même. Le jeu de mots, sur quoi il est basé? Alors, Grat Green. Il y a l'idée de moudre renforcée par une allitération implacable. Grad Grind. Alors moudre parce que effectivement il s'occupe de la vie sociale. Il a un bon fond ce Grad Grind. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas une vision, en tout cas en ce qui concerne Grad Grind, trop manichéenne. Ça, ce qui est une bonne chose. Il a un bon fond. Alors il s'occupe d'éducation. Et pour lui l'éducation, c'est une éducation c'est quelque chose où on a retiré tout ce qu'il y a d'humain. Alors d'humain, bon. C'est-à-dire qu'on ne tend que vers les faits. Alors, on appelle ça les faits, les faits, les faits. C'est-à-dire les chiffres. Il n'y a plus de littérature, plus de poésie. Les animaux, quand on les étudie, on veut connaître leur taille, ce qu'ils mangent. Enfin bon, il y a toute une approche, mais factuelle, utilitariste. Donc c'est cette société-là, finalement, que dénonce Dickens. Une société anti-artistique, finalement, on pourrait dire aussi. Anti-imaginaire. Une société qui réduit l'homme à un producteur, consommateur. Bon, c'est un peu ce qu'on dit aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. La seule chose, c'est qu'à l'époque, c'est plus sur le plan physique. Aujourd'hui, on essaye. On s'attaque aussi à l'imaginaire des hommes. C'est-à-dire qu'on veut maîtriser leur imaginaire. On ne dit pas qu'il ne doit plus en avoir, mais il doit être maîtrisé aussi pour produire, consommer. Bref. Alors l'histoire, donc c'est Grad Green donc il y a ce foyer là. Alors il élève ses enfants. Il en a combien? Un certain nombre, hein, au moins 4, je crois. Mais finalement, on s'en soucie surtout de deux. L'aînée, une fille dont j'ai oublié le nom, et donc il a un fils aussi, le cadet. Alors, ah, que dire? Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est des enfants qui sont malheureux du fait qu'ils ont une vie réduite aux faits. C'est terrible d'imaginer un enfant à qui on ne raconte pas d'histoire, qui n'ont pas le droit de regarder le cirque. Ça va prendre une place, ça, le cirque. Il y avait des cirques à l'époque, et bon. Donc ça se passe, évidemment, il y a à peu près 150 ans. Il y avait déjà des cirques, si j'en doutais. Donc, ce sont des enfants qui prennent petit à petit conscience, parce que le livre se passe sur une certaine durée, ils prennent conscience de leur handicap, le fait qu'ils ils ont l'impression de n'être rien. Ça, c'est assez terrible. On a tué ce qu'il y avait d'humain en eux, et ils en prennent plus ou moins conscience, surtout la fille. Alors, en gros, la trame, en face, il y a un monde ouvrier avec Stephen Blackpool. C'est marrant parce qu'il y a une ville, je viens de voir qu'il y avait une ville en Angleterre, dans justement la région de Liverpool, etc., dans cette région-là, qui s'appelle Blackpool. Donc, bon. Bon, mare noire ou piscine noire, enfin oui, mare noire, c'est pas joyeux, hein. Après Coketown, Blackpool, bon. D'ailleurs, il y a une description de la ville qui est terrible, hein, par Dickens, hein. Là, on n'est pas du tout. Il fait une description affreuse, affreuse. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Cet ouvrier-là, il y a une histoire un peu. On sait pas. Moi, j'ai pas bien suivi. J'ai pas bien compris pourquoi, mais en gros, tout le monde se syndique et lui ne veut pas parce qu'il a fait une promesse. Et ça, j'ai pas bien compris pourquoi. Il a fait une promesse à la femme qu'il aimait, avec qui il ne peut pas être parce qu'il est déjà marié. Il est marié avec une femme qui qu'il aimait, mais qu'il a elle l'a abandonné en fait. Elle est tombée dans l'alcool, la dépravation, elle devenait violente, elle le battait, elle est partie. Enfin, en gros, ce qui arrive plutôt aux femmes, c'est arrivé à un homme là dans le livre. Voilà. Est-ce que c'est voulu? Je sais rien. Mais c'est parce que j'imagine quand même que c'est quelque chose qui devait plus arriver aux femmes d'être d'avoir en face d'elle un homme violent qui boit. Bref. Ah, évidemment, en plus, elle s'est prostituée, sa femme, donc c'est peut-être la différence ultime, mais enfin bon. Bref, donc, très malheureux, et comme c'est pas un homme dur, il a pas. Il a pas essayé de divorcer, il a pas. Enfin. Il a pas essayé de se débarrasser d'elle, vraiment. Alors elle part, elle vient. Quand elle revient, elle essaye de prendre tout l'argent qu'il a. Elle repart. Bon, enfin, donc il en souffre énormément. Et puis il a une amie qui date qu'il a connue presque en même temps que sa femme, enfin, et qui, en fait, qu'il aime et elle l'aime aussi. C'est une femme qui a 37 ans, je crois. Lui, il doit en avoir à peu près 40. Mais bon, c'est pas les 40 d'aujourd'hui, hein. C'est pas les 37 ans. On a déjà vécu un peu quand on a 20 ans d'usine derrière soi, ou plutôt 25. Bref, donc cette femme est amoureuse de lui aussi, on le pense, mais bon, il y a une grande moralité, hein, attention, hein, on rigole pas, ils peuvent pas être ensemble, ils peuvent pas être ensemble, il est marié, bon, enfin, chose un peu absurde, mais c'est comme ça, c'est la société de l'époque. Donc il en souffre, à un moment dans le livre, donc elle revient, sa femme, elle lui fait une nouvelle scène. C'est magnifique, il est à deux doigts, Steven Blackpool est à deux doigts de la tuer, finalement il le fait pas, et il va voir son directeur, c'est-à-dire le grand directeur. Alors j'ai oublié le nom, là j'oublie tout moi. Donc j'ai oublié le nom, ce serait bien pourtant que je le retrouve parce que Monsieur Bounderby. Bounderby. Alors Bounderby, ça c'est terrible. Donc là c'est le vrai méchant con, hein, faut reconnaître. Ah, par contre là, il n'a pas été dans la demi-mesure. C'est l'homme riche dans les affaires, donc Monsieur Bounderby. Alors la fille de Gradgrind s'appelle Louisa. Bon. Monsieur Bounderby, lui, est dans les affaires, banquier a priori, mais bon, je pense qu'il possède l'usine aussi. Enfin bon. Et Gradgrind vient le voir pour lui demander son aide et il lui explique la situation vis-à-vis de sa femme et il dit qu'en gros il voudrait savoir comment divorcer. Parce qu'il avait entendu dire que dans les hautes sphères de la société, ça se faisait. Les gens, quand ils pouvaient plus supporter, ils divorçaient, et que ça évitait des drames, sous-entendu des meurtres, oui, il faut le dire. Et puis là, Bounderby, bien sûr, lui dit, mais non, d'abord la morale, le mariage, enfin bref, donneur de leçons, c'est facile. Et puis de toute façon, bon, alors l'autre insiste, et puis de toute façon, ça coûterait beaucoup trop cher pour vous. En procédure, tout ça, vous n'avez pas les moyens, en gros, faudrait 2 siècles de salaire du mec pour payer la procédure. Bon. Donc, la question se pose pas. Donc il revient un peu écœuré, puis Bounderby, bon, écœuré aussi de voir des gens si peu avec une si faible moralité. Bon. Il a d'ailleurs une femme qui est avec lui, enfin c'est un peu. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais. Il vit avec une femme, mais attention, c'est sa gouvernante, ils sont pas ensemble, qui lui sert le café, etc. Enfin bon. Qui s'occupe de lui, quoi. Se soucie de lui. Et cette femme, donc, elle serait issue d'une famille de grande noblesse. Alors que Bounderby, lui, d'après son mythe, serait issu d'un milieu très pauvre, il aurait été abandonné par sa mère, élevé par sa grand-mère alcoolique, bref, c'est un homme qui s'est fait tout seul. Alors ensuite, que se passe-t-il? Au niveau du scénario, pou pou pou. Donc Steven Blackpool veut divorcer, il n'y arrive pas, il y a une scène terrible où sa femme est chez lui, ivre morte, il est à deux doigts de la laisser mourir en fait, parce qu'elle est à deux doigts de s'empoisonner en buvant quelque chose de mortel, enfin bref. Finalement, ça n'arrive pas grâce aussi à son ami qui était là pour l'aider. Et donc il se résigne entre guillemets. Et puis elle repart, sa femme. Donc c'est un peu une bonne histoire. Mais par ailleurs, donc il veut pas se syndiquer. Du coup, il est rejeté complètement par tous les autres. Il y a une critique du syndicalisme qui utilise la classe ouvrière. Qui ne, il y a une espèce de mec qui harangue les ouvriers avec des beaux discours de. C'est un peu du populisme, de la démagogie de syndicats, et ça, il supporte pas manifestement Dickens, bon, on peut le comprendre. Hein. Mais du coup, il critique aussi pas mal ça. Finalement, donc, il décide de quitter la ville pour aller chercher, tenter de refaire sa vie ailleurs. Voilà. Donc, il quitte sa seule amie qu'il est. Donc, c'est assez terrible. Pendant ce temps-là, donc, alors. Qui se passe avec Brad Green. Donc, un beau jour, il demande à sa fille, il fait les intermédiaires entre Bounderby, donc qui est un homme gros, d'une cinquantaine d'années, d'une suffisance énorme, enfin, l'affreux bonhomme, donc, mais qui est l'ami de Brad Green. Il lui propose d'épouser sa fille. Louisa. Enfin, il lui propose. Il propose à sa fille. Non, bref. Bounderby demande à Grad Grind de demander à Louisa si elle a envie de l'épouser. Voilà. Et Louisa, en fait, a renoncé à la vie, a renoncé à avoir des ambitions, a renoncé à vivre. Et pour cette raison, elle répond oui. Elle dit de toute façon. À quoi bon ça ou autre chose? Une espèce de stoïcisme dans la souffrance, enfin, affreux. Donc elle accepte. Et hop, on arrive un an plus tard. Alors, Louisa accepte donc d'épouser Bounderby. Parce que finalement, elle ne voit pas autre chose à faire finalement. Elle a renoncé à avoir un but dans la vie. Elle a renoncé à avoir un espoir. Dès lors, autant épouser même cet homme-là. Alors là, il faut que je parle d'une petite fille. Si. Peut-être Cécilia. Je me souviens plus. Oui, si, en tout cas. On l'appelle Cici. Alors, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui finalement peut le vrai héros peut-être avec Grad Grind, le vrai héros du livre. On la voit dès le début. C'est une petite fille. Alors, c'est une fille de saltimbanque. Enfin, c'est une fille de clown. C'est-à-dire, je parlais d'un cirque de cirque au début. Effectivement, il y a un cirque qui est à Coketown. Et en fait. La première confrontation est liée au fait que Grad Green ne souhaite pas que ses enfants se soucient du cirque, parce que c'est vraiment pour lui l'humanité, un gâchis du potentiel humain, le cirque, parce qu'on ne produit rien, c'est vraiment de la mauvaise engeance pure, ça ne sert à rien, voilà, donc c'est ça le cirque pour Grad Green. Donc, il ne souhaite pas que ses enfants s'intéresse à ça. Alors évidemment, il y a évidemment, puisque là, il les empêcherait, mais même, en fait, il surprend Louisa et son frère regardant à travers deux planches le cirque. Bon. Et là, il les gronde et hop, on rentre à la maison. Alors là, il y a une scène aussi assez intéressante, c'est que, en fait, il y a une petite fille, Il se retrouve confronté à une petite fille dans la rue qui est fille du clown, justement, du cirque. Or, ce qui se passe, c'est que on va le voir. En fait, elle vient d'être. Alors oui, comment ça se passe? Oui, elle est dans la classe. En fait, Gretchen Green, bien sûr, il met pas ses enfants avec les pauvres, mais enfin. Par contre, il s'occupe d'une école. C'est-à-dire qu'il a un bon fond dans l'horreur. C'est-à-dire qu'il veut faire des nouvelles générations, des petits matérialistes, si on veut. Donc, il s'occupe de l'école. Et là, il apprend que justement, Sissi, elle est dans cette école. Et comme il trouve ça intolérable, il pense qu'en fait elle va influencer les autres enfants. Il veut l'exclure. Donc, il va au logement de Sissi. Alors, ils sont dans un petit hôtel, enfin un hôtel minable, hein, ils ont dans une chambre avec son père. Donc voilà. Il s'y rend avec Bounderby d'ailleurs. Il s'y rend pour l'exclure. Et là, il demande à parler à son père. Alors il voit la petite fille et puis il demande à parler à son père. Et puis elle dit, bah il n'est pas encore rentré, il va rentrer. Et puis on comprend petit à petit qu'il n'est pas rentré. Qu'il va pas rentrer, qu'il est parti, qu'il a abandonné sa fille. Alors bien sûr, c'est une raison de plus pour eux de dire que c'est vraiment de la mauvaise engeance, abandonner ses enfants, quelle horreur. Sauf qu'on comprend en filigrane qu'en fait il était devenu un mauvais clown, il vieillissait et il faisait plus rire. Et donc ça devenait un fardeau pour le cirque. Et il avait peur d'être aussi d'entraîner sa fille avec lui. A priori, nous on le voit jamais directement, mais on entend parler de lui et on devine que c'était un homme adorable, qui aimait profondément sa fille. Mais il a abandonné. Mais sa fille espère encore qu'il revienne. Mais là, Gradwin est embêté quand même. Il n'ose pas l'exclure davantage. Et puis finalement, il se dit qu'il pourrait, alors pas l'adopter, hein, mais la recueillir. C'est assez surréaliste d'ailleurs, ça, je sais pas si c'est quand même quelque chose de pas anodin. Aujourd'hui, ce serait une adoption ou pas. Mais bien sûr, un homme du rang de Gladwin n'adopterait pas un petit enfant comme ça, juste qui est en difficulté. Mais à l'époque, effectivement, c'est pas aussi clair. C'est-à-dire qu'il ne l'adopte pas, mais il lui propose de venir chez lui. Et de rendre des petits services éventuellement à la mère, en gros d'être un peu la boniche, mais pas vraiment, en fait, pas vraiment boniche, quoi, pas pour l'exploiter du tout. Il lui propose de rester à l'école, il propose de s'occuper d'elle finalement, de lui faire son éducation, qu'elle continue à aller à l'école, et elle serait parmi ses enfants, certes, donc elle ferait quelques tâches ménagères pour aider Madame Gradgrind, mais c'est tout. Bon, là, il y a une scène terrible, quoi. Il y avait tous les gens du cirque et puis Gretchen Green et la petite fille qui devaient choisir. Mais ça a été assez positif d'ailleurs. Elle avait toutes les cartes en main. On lui a dit. Les gens du cirque lui disaient, bon, bah écoute, c'est peut-être la chance de ta vie. Et Gretchen Green lui disait, bah écoute, hein, si tu viens, tout ce que je demande de toi, c'est de ne plus jamais parler de ton passé. Ne pas parler de ton père, ne pas parler du cirque. Parce qu'il voulait pas qu'elle influence ses enfants à lui. Toujours pareil. Donc on voit un peu le truc terrible, quoi. Mais Sissi comprend que c'est sa chance. Donc elle y va. Voilà. Ensuite, il y a un saut dans le temps, hein. Bon, elle reste là. Louisa et elle s'aiment bien. Mais elle, Sissi surtout, est fascinée par Louisa, qu'elle trouve intelligente. Alors que Sissi, elle est nulle à l'école. Mais en fait, c'est ça la thèse d'ailleurs de Dickens, c'est que elle est nulle à l'école, mais elle a ce qui est le plus important, elle est intelligente. Enfin, c'est le bon sens. Elle a une grande humanité, elle a le cœur, elle a l'intelligence du cœur, voilà. Alors, elle n'est pas très proche quand même de Louisa, mais suffisamment pour que, bon, il y a un petit lien qui s'établisse entre elles. Et quand Louisa accepte d'épouser Bounderby et qu'elle le dit, elle le révèle dans le salon, Sissi ne dit rien, mais ses yeux, me dit c'est pas possible, comment on a pu forcer Louisa? C'est ça son réflexe. Et elle regarde Louisa avec ce regard de compassion, de pitié, mais d'horreur aussi, enfin de surprise, enfin tout ça mêlé. Et Louisa, et c'est là quand même qu'il y a un mécanisme, je dirais, de défense. Depuis ce jour, elle a refusé de parler à Sissi. Parce que finalement, au fond d'elle, elle comprenait bien pourquoi Sissi avait eu ce regard, et au fond d'elle, elle sentait que peut-être ça remettait en cause toute sa décision, bien sûr, c'est toute sa vision de la vie même. Donc Louisa n'a pas pu le supporter et a tourné le dos à Sissi, ne lui a plus parlé. Cela dit, de toute façon, elle a épousé Bounderby et est allée vivre chez lui, donc voilà, pof. Bon, on nous détaille pas on nous détaille pas la nuit de noces. On nous détaille pas le mariage. Le mariage, on en parle, et ce se fait d'une façon sordide, sans aucune âme, bref. Mais par contre, on nous détaille pas leur vie à deux, etc. Bon. Mais après un certain temps, bon, je vais essayer de faire vite parce que un beau mec de la capitale débarque, le beau parleur, d'une certaine noblesse, riche, qui fait de la politique parce qu'il s'emmerde, quoi. Son frère est un grand député, son frère aîné, et lui, il est encore plus malin, mais il a un gros poil dans la main, et il veut rien faire, et il se contente dans la vie, son occupation, de bouger d'un endroit à un autre et d'être cynique. Et là, il débarque à Cooktown, et il se lie avec Gradgrind, et puis Bounderby. Bon. Et puis finalement, il est fasciné par Louisa. Parce qu'il sent qu'elle a quelque chose, elle a une intelligence, elle a des remarques, elle a une beauté aussi, elle est très belle. Sissi aussi d'ailleurs, a priori, mais bon. Je me suis pas vraiment fait une image précise. Donc, il veut convaincre. Petit à petit, oui, il veut séduire en fait. Hein, il veut séduire Louisa. Au début, non, c'était un peu par jeu. Et puis, bon. Finalement, il veut la séduire, il veut la perdre. Hein, il y a un petit côté Valmont, hein, un petit côté liaison dangereuse à ce moment-là, mais en beaucoup moins pervers et en bon. Donc, il veut la séduire et elle. C'est étrange parce que on rentre pas vraiment dans son truc, mais en gros, elle sent qu'en tout cas, il est mille fois plus fascinant que Bounderby. Ça, c'est pas difficile. Il est subtil, il est beau, il est jeune. Voilà. Mais elle sent aussi qu'il lui manque la part d'humanité qui permet d'aimer. Finalement, elle n'a pas appris l'amour. Et donc, elle peut pas se résoudre à, enfin, d'une certaine manière. Et puis, en plus, je pense qu'elle a aussi un fond de bon sens qui fait qu'elle sent bien que l'autre, c'est pas non plus, c'est pas le vrai chevalier, quoi. Hein. C'est pas le vrai chevalier blanc qui viendrait l'enlever. Et alors là, il se passe le plus beau moment du livre. Hein. Alors, mais faut pas écouter ça si on veut le lire, hein, surtout pas. Donc, faut arrêter d'enregistrer, faut couper là. Mais là, il se passe quelque chose de merveilleux. Donc, au moment de céder. Il y a un rendez-vous implicite qui est fixé à Cooktown, ils sont en dehors de la ville, bref. Mais au lieu de le rejoindre, elle retourne chez son père. Et là, il y a une discussion d'une beauté, fascinante. Sans vraiment être agressive vis-à-vis de son père, elle lui déballe tout. Elle met tout sur la table. Elle lui dit, écoute, tu as gâché ma vie. Tu m'as élevé en me refusant l'essentiel. Chose dont, d'ailleurs, je fais une petite digression, était consciente la femme de Gradwin, qui était une femme, mais d'après le livre, hein, bien sûr, enfin, dans le scénario, peut-être un peu marqué, mais enfin, stupide, stupide, stupide, stupide, très drôle, je dirais quelques passages après, je crois qu'il y a un passage où elle parle, mais stupide. Mais au moment où elle meurt, elle dit à sa fille, qui était là, elle lui dit, écoute, je crois que ton père. Il avait plein de bonnes intentions, mais il a raté l'essentiel. Il m'a pas expliqué ce que c'était que l'amour. Bon, quelque chose quand même. Mais en gros, elle a à peu près le même discours, mais alors elle détaille tout, quoi. Toute son enfance, tout ça. Elle lui déballe tout, elle lui dit qu'elle est malheureuse au dernier degré, qu'elle sait plus quoi faire. Elle lui explique la situation très honnêtement, entre le séducteur, etc., qu'elle était à deux doigts de le rejoindre, mais finalement elle voulait elle est retournée là. Elle dit, bon, écoute, père, si je suis dans cette situation, c'est à cause de toi. Maintenant. Je m'en remets à toi, aide-moi. Ouh! Donc c'est fantastique, fantastique, fantastique. Surtout la réaction de Gwalgrin aussi est fantastique. Il est d'abord effondré. Bon, elle va se coucher et tout. Lui ne dort pas de la nuit. Il va la réveiller au petit matin. Il va la voir et lui dit, écoute, je suis atterré. Je n'existe plus. J'ai vieilli en une nuit. Mais je vais essayer de t'aider. Mais je n'ai sans doute pas ce qu'il faut pour t'aider. Et là, il y a toujours Sissi dans la maison. Et Sissi, petit à petit, prend une place énorme, énorme. Elle va à nouveau vers Louisa. C'est elle qui a veillé Louisa toute la nuit sans que Louisa le sache. Enfin, c'est quelque chose de. Bref, il y a une tension là. Et puis tout à coup, Louisa s'ouvre à Sissi. Et Sissi va lui apprendre l'amour. Mais là, l'amour, pas. L'humanité. L'humanisme, je sais pas. L'humanitude! Donc. Et Gwadgwin en est conscient. Donc il respecte de plus en plus Sissi. Mais il l'aimait déjà, il le reconnaissait tous, c'est le véritable rayon de soleil de la maison. C'est elle qui faisait que la maison était encore vivable. La part d'humanité. Bon, je passe sur les détails. Bounderby qui revient énervé pour récupérer sa femme. Là, il y a un magnifique dialogue. Gwadgwin qui repousse Bounderby en lui disant, écoute. Qui essaye d'être, je sais pas, qui essaye de lui expliquer doucement, plutôt gentiment, la situation, mais Bounderby s'énerve et en gros il lui dit c'est plus ma femme quoi. Bon, on parle pas de divorce, mais c'est plus ma femme quoi. D'accord. Bon. Donc, j'ai une scène terrible encore où, bon, un petit détail, mais très amusant, le fameux Bounderby qui se vantait d'être né dans le ruisseau, hein, abandonné de tous. Finalement, il y a sa mère, finalement, c'est une histoire très riche au niveau scénario. Je me rendais pas compte. Sa mère venait en cachette pour épier son fils. Elle habite dans une autre ville, une femme très pauvre, enfin assez pauvre, pas dans la rue, loin de là, mais sans grande richesse, alors que son fils est très riche. Et il sait qu'elle existe. Mais il voulait plus la voir parce que ça pouvait nuire à ses affaires d'être vu en compagnie d'eux. Bon. Alors qu'elle lui a donné tout l'amour du monde. Or, la femme qui vit avec Bounderby, l'horrible bonne femme qui a essayé de perdre Louisa, enfin bon, elle a fait venir cette femme de force, elle est allée la chercher, elle l'a ramenée chez Bounderby. Alors qu'il y avait tous les témoins, il y avait Louisa, Gwadgreen, tout le monde. Et là, elle lui dit, regardez, c'est la voleuse que vous cherchiez. Alors. Il y a une histoire de vol, enfin en gros c'est le frère de Louisa, mais je passe là-dessus parce que c'est pas le plus important, c'est un peu le côté. La petite histoire, je dirais, pas l'histoire des cœurs, mais l'histoire, bon. Et puis là, donc cette femme dit, mais non, je suis la mère de ce monsieur, et c'est mon fils adoré, et puis elle raconte tout. Non, vous direz pas que je. Et puis alors Gwadgreen l'agresse, puisque c'était l'ami de Bounderby, il avait sa morale, et il agresse cette dame en disant, mais vous vous rendez compte, vous vous permettez de dire vous êtes sa mère, alors vous l'avez abandonnée, vous l'avez fait souffrir, c'est pas possible, vous êtes une horrible femme. Et puis elle dit, mais de quel droit vous osez me dire une telle chose? J'ai toujours aimé mon fils. Je lui ai donné tout l'amour qu'une mère peut donner. Il a été. On s'est sacrifié pour qu'il fasse un tout petit peu d'études, pour qu'il fasse ses études, pour que. Et on est heureux de voir. Mais je comprends très bien qu'il veuille plus me voir, parce qu'il est tellement magnifique, il est tellement réussi dans la société. Je comprends très bien qu'il me refuse de me voir, mais. Enfin bref, elle dit tout le monde est atterré, Bounderby devient fou, il sort tout le monde de chez lui, sauf sa mère je crois quand même, mais il sort tout le monde et bon, il est perdu d'un point de vue social hein, finalement, avoir été confondu de la sorte, il n'existe plus, hein, c'est vraiment là. Et donc, ce qui se passe c'est que bah ça c'est un peu l'anéantissement total et du coup Gwadgreen vire cette femme qui s'occupait de lui puisque c'est elle qui a été à l'origine de ce drame social pour lui donc puis alors là il s'insulte copieusement en se quittant, ça c'est une horreur alors que bon c'était chacun jouait le jeu d'être bon mais c'est des gens qui n'ont pas de sentiments ou du moins on pourrait dire à l'inverse que c'est justement parce qu'ils s'aimaient que il y a des mots durs, bon, je ne sais pas, moi, c'est pas ma conception, mais c'est vrai que ça doit pouvoir arriver. Mais en tout cas, c'est un amour bien pauvre qui insulte dès qu'il est insatisfait. Bref, que se passe-t-il? Ensuite, Steven Blackpool meurt. Bon, il y a toute une histoire de... Il était justement soupçonné du vol dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà. Ensuite, à la fin du livre, il y a une espèce de il y a une page ou deux sur une magnifique. Sur ce qui va se passer. Mais je vais le lire. Je crois que maintenant, je vais lire les passages magnifiques. Magnifique, je pèse mes mots. Alors, il faut que je retrouve mes post-it. Les passages que j'ai lus, déjà, à beaucoup de gens. Alors, voyons. Alors, Dickens, page. Il faudrait que je commence par le début, ce serait bien. Page 21-22. Alors. Donc le livre se commence avec Gradgrind devant la classe avec le maître d'école en train d'expliquer ce qu'il veut. Il veut des faits. Voilà, bon, bref, il élève ses enfants dans le culte du fait, du fact. Et là, il y a un beau passage. Alors, la scène se passait dans une salle de classe voûtée, nue, sans ornement, maussade. Et de son index carré, l'orateur, donc c'est Gradgrind, accentuait ses observations avec insistance, en soulignant chaque phrase d'un trait tiré sur la manche du maître d'école. L'insistance de l'orateur était renforcée par le mur de son front carré, ayant pour base les sourcils, tandis que ses yeux trouvaient un sous-sol spacieux, en de sombres cavernes ombragées par le mur. L'insistance de l'orateur était renforcée par sa bouche, une grande bouche mince et dure. L'insistance de l'orateur était renforcée par sa voix, une voix sèche, inflexible, dictatoriale. L'insistance de l'orateur était renforcée par ses cheveux, qui se hérissaient à la lisière de son crâne chauve, plantation de sapin, destinée à abriter du vent sa surface luisante, toute couverte de bosses, telle la croûte d'une tourte aux prunes, comme si ce crâne eût manqué de place pour emmagasiner les faits patents qui s'y étaient accumulés. L'attitude opiniâtre de l'orateur, son habit carré, ses jambes carrées, ses épaules carrées, et jusqu'à sa cravate dressée à le serrer à la gorge dans une étreinte sans compromis, comme un fait têtu en quelque sorte, tout contribuait à renforcer son insistance. Là, c'est quand même. Bon, voilà, ce passage, je trouve grandiose. D'ailleurs, bon, c'est la deuxième page du livre. Hein, mais le style répétitif pour insister sur l'insistance, c'est quand même magnifique. Et puis après, l'humour, bon, voilà. On sent. C'est pas du tout le. D'abord, il faut rompre. Moi, j'avais ce cliché de Dickens, auteur triste, mais. Pff, non. Zola est triste, mais Dickens. Enfin, il y a une certaine tristesse, même si c'est bon. Tout est relatif, et puis ça n'empêche pas. Bon, bref. Mais alors Dickens, il y a une ironie toujours mordante tout près. Alors ensuite, bah, c'est quelques lignes plus loin, il y a une description de Thomas Gradgrind, donc cet homme-là. Thomas Gradgrind. Alors la ponctuation est très importante, je vais essayer de le lire proprement, mais bon. Thomas Gradgrind, monsieur. Point. Je vais dire un peu les points, parce que il fait des phrases, c'est pas des phrases, quoi, hein, c'est bon. Thomas Gradgrind, monsieur. Un homme de réalité. Un homme de fait et de calcul. Un homme qui agit selon le principe que 2 et 2 font 4, rien de plus, et qui ne se laissera pas persuader d'admettre que cela fasse rien de plus. Thomas Gradgrind, monsieur, péremptoirement Thomas Gradgrind. Avec une règle et une balance, et la table de multiplication toujours dans la poche, monsieur, prêt à peser et à mesurer n'importe quelle parcelle de nature humaine, et à vous en dire exactement le montant. Ce n'est qu'une affaire de chiffres, un simple calcul arithmétique. Vous pourriez espérer faire entrer quelque autre croyance absurde dans la tête de George Gradgrind, d'Augustus Gradgrind, ou de John Gradgrind, ou de Joseph Gradgrind, tous personnages hypothétiques, non existants. Mais dans la tête de Thomas Gradgrind, non, monsieur. Point d'exclamation. C'était toujours en ces termes que monsieur Gradgrind se présentait mentalement. Etc., etc., etc. Voilà, un passage sublime hein, aussi, là. Bon, c'est tout petit, c'est pas... Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors, page 92, là, il y a... Ah oui, si, la petite dont je parlais. Et ses erreurs. Mais quelle ironie, et puis très politique. Alors là, écoutez. Ah ouais, alors ça, moi, ça me... Alors, il faut que je trouve le bon endroit où démarrer, par contre, c'est tout le problème. Bon, si, conscience d'être ignorante, hein. La misérable ignorance qui la faisait s'attacher à cette consolation. Alors, laquelle? Ah oui, elle pensait que son père reviendrait, donc elle voulait s'accrocher à l'école pour être là et être prête à... Elle pensait que ça ferait plaisir à son père d'apprendre, donc elle restait dans l'école. La misérable ignorance qui la faisait s'attacher à cette consolation et repousser le réconfort supérieur de savoir en s'appuyant sur une base arithmétique solide que son père était un vagabond dénaturé. Là, il y a de l'ironie, bien sûr, parce que du coup, bref, elle n'avait pas compris, elle refusait de comprendre que son père était un mauvais homme. Cette ignorance remplissait de pitié M. Gradgrind. Mais qu'y faire? Mr. Umchokemchild, donc c'est l'instituteur. Alors, il y a des jeux de mots sur les mots, sur les noms des gens. Gradgrind, ça veut dire, ça renvoie au verbe moudre. Donc, moudre, hein, moudre, moudre. Et Trumcom. Child, c'est a priori, c'est il y a une allusion au gavage des oies. Donc pour un instituteur, vous voyez un peu, c'est fantastique. Monsieur Trumcumchild rapporta qu'elle avait la tête très dure quant aux chiffres, que, s'étant fait une idée générale du globe, elle ne portait à ses dimensions exactes que le plus minime intérêt concevable, qu'elle était excessivement lente à apprendre les dates, à moins que quelque incident pitoyable ne vînt s'y rattacher. Qu'elle fondait en larmes lorsqu'on lui demandait de dire immédiatement, en calculant de tête, combien coûterait 247 bonnets de mousseline à 14 pence et un demi penny. Qu'elle était autant en retard à l'école qu'il était possible de l'être. Que, après 8 semaines d'initiation aux rudiments de l'économie politique, pas plus tard que la veille, elle s'en était fait remontrer par un moutard de 3 pieds de haut pour avoir fait à la question. Quel est le premier principe de cette science? Cette réponse absurde, de faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils fissent envers moi. Je crois que c'est la phrase la plus politique de tout le livre, finalement, hein. Qu'est-ce que le capitalisme? Faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Voilà, elle a tout compris. Et c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, bref, la relation commerciale, c'est ça, pour moi, ça non. Je trouve ça fantastique. C'est bien résumé. Et en plus, alors la Bible est très présente. Hein. Dickens, c'est une Angleterre très religieuse, hein. Et que ce soit des deux côtés, hein, vraiment. Donc Dickens, pour lui, c'est très. Il fait des tas d'allusions à la Bible, et pas pour s'en moquer. Hein. Et là, une allusion terrible quand même à la Bible, qui renvoie le capitalisme à un péché. Donc c'est quand même quelque chose de fascinant et bon, d'évident pour quelqu'un qui s'intéresse à ça. Mais bon. Alors je lis si c'était la fin du passage. Voilà, non, là. Ensuite, un autre passage. 94. Alors, Sissi discute avec Louisa, elle est nulle, donc bon, Louisa essaye de l'aider, puis Sissi lui explique ses erreurs. Alors, Louisa lui demande, dis-moi quelques-unes de tes erreurs. J'en suis presque honteuse, dit Sissi à regret. Mais aujourd'hui, par exemple, M. Trumkenchild nous expliquait ce que c'était que la prospérité naturelle. Donc là, Sissi la reprend. Ça devait être national, je crois, fit observer Louisa. Oui, c'est ça. Mais n'est-ce donc pas la même chose? Demanda timidement Sissi. Alors là, il faudrait s'arrêter. Je crois qu'on pourrait discuter ça à chaque question, mais je crois qu'il y a des allusions là à cause à la fois du temps. Ça fait 150 ans, et ensuite la langue, traduction, on a du mal. Mais on peut soupçonner Dickens, rien que là, entre vouloir opposer, enfin, en gros, le bon sens de Sissi qui rapprocherait la prospérité naturelle à la prospérité nationale, c'est très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas une critique tout simplement d'une vision restrictive de la prospérité qui, un pays contre un autre, contre le reste, enfin bon. Bref. Alors donc, si Louisa lui répond, il vaut mieux dire national, comme il l'a dit, répondit Louisa à sa manière réservée et peu communicative. Prospérité nationale. Et il a dit, admettons que cette salle de classe soit une nation, et que dans cette nation, il y ait 50 millions d'argent. N'est-ce pas là une nation prospère? Fille numéro 20, n'est-ce pas là une nation prospère, et n'êtes-vous pas vous-même dans l'aisance? Et qu'as-tu répondu ? Demanda Louisa. Miss Louisa, j'ai dit que je ne savais pas, que je ne pouvais pas savoir si la nation était prospère ou non, et si j'étais ou non dans l'aisance, à moins de savoir qui possédait cet argent, et s'il y en avait un peu qui fût à moi. Mais ça n'avait rien à faire avec la question. Ce n'était pas du tout dans les chiffres, dit Sissi en s'essuyant les yeux. Bon, voilà, là, tout est dit, hein, la répartition de l'argent. C'est marrant, c'est au cœur. Aujourd'hui, on parle de produit intérieur brut, alors qu'il y a de plus en plus de pauvres dans un pays, mais on est content quand le produit intérieur brut augmente. C'est quand même... La problématique n'a pas changé. On parle de richesse globale, et on est content avec ça, alors qu'il y a des... Bon, bon, bref. Tout est dit, mais la ligne... Bref, c'est magnifique, c'est magnifique. Tu as fait là une grosse erreur, lui fit observer Louisa. Oui, Miss Louisa, je le sais maintenant. Alors, Monsieur Chalkchild a dit qu'il allait encore me mettre à l'épreuve, et il a repris. Mettons que cette salle de classe soit une ville immense, et qu'elle contienne 1 million d'habitants, dont 25 seulement meurent de faim dans la rue au cours d'une année. Quelle remarque avez-vous à faire sur cette proportion ? Et ma remarque fut, car je n'ai pas pu en trouver une meilleure, qu'à mon idée, c'était tout aussi dur pour ceux qui mouraient de faim s'il y avait 1 million d'habitants ou 1 million de millions. Et c'était faux aussi. alors là, c'est la question philosophique du sacrifice d'une minorité pour le bien général. Je trouve tout est posé là. C'est vraiment pour les hommes politiques, les hommes qui sont pas dans la misère. Il y a qu'eux pour pouvoir juger du bien fondé du sacrifice d'une partie d'entre eux pour le bien général. Ça, c'est vraiment. Et donc, Louisa répond naturellement, c'était faux. Alors, Monsieur Chalkchild a dit qu'il allait encore me mettre à l'épreuve. Et il a dit, voici les estatiques. Statistiques, dit Louisa. Oui, Miss Louisa. Ça, c'est encore une de mes erreurs, les statistiques des accidents en mer. Et je vois, a dit Monsieur Chalkchild, que sur 100 000 personnes ayant entrepris de grandes traversées, 500 seulement se sont noyées ou ont péri carbonisées. Quelle est la valeur du pourcentage ? Ai-je répondu, Miss ? Là-dessus, Sissi éclata en sanglots comme si elle confessait avec la plus grande contrition sa plus grave erreur. J'ai répondu que cette valeur était nulle. Nulle, Sissi ? Nulle. Pour les parents et les amis de ceux qui étaient morts, je n'apprendrai jamais, dit Sissi. Et le pire de tout, c'est que, bien que mon pauvre papa ait tellement désiré que je m'instruise, et bien que j'ai tellement le cœur d'apprendre parce qu'il le désirait, j'ai peur de ne pas aimer ça. Voilà, bah c'est ça, c'est hein, franchement alors là nul. Alors là d'ailleurs c'est tellement beau sa réponse sur le plan philosophique que de dire nul, le pourcentage il est nul pour la famille, on s'en fout du pourcentage quand on a perdu un proche. C'est tellement philosophique et tellement bon que là c'est même plus cohérent. Enfin c'est bon, mais c'est de l'humour et puis mais ce que je veux dire c'est qu'on peut pas imaginer une seule seconde un enfant répondre que ça pourcentage est nul. Enfin bon, ouais. Mais c'est quand même beau sur le plan philosophique. Alors, ensuite, page 109-110. Alors, qu'est-ce qui se passe, page 109-110 ? Ah ! Les machines et les humains. C'est un très beau passage. Je vais pas le dire avant ce que c'est. Dans cette usine, tant de centaines de manœuvres, tant de centaines de chevaux vapeur. On connaît à une livre près le rendement de la machine. Mais tous les calculateurs de la dette nationale ne sauraient me dire quelle est, à aucun moment, la somme de bien ou de mal, d'amour ou de haine, de patriotisme ou de mécontentement, de désintégration de vertu en vice ou l'inverse, dans l'âme d'un seul de ces tranquilles serviteurs aux visages impassibles et aux gestes bien réglés. Il n'y a aucun mystère en elle. Il y a un mystère insondable chez le plus insignifiant d'entre eux. Que ne réservons-nous notre arithmétique pour les objets matériels, et que ne recourons-nous à d'autres moyens pour régir ces terribles inconnus ? Voilà, moi c'est un passage, je ne sais pas s'il y a besoin de l'expliquer, mais voilà, la rationalisation de l'humain, c'est le dernier crime de l'humanité. Alors, ensuite, 161, 162... Alors là, c'est de la politique, ai-je noté. Voilà, il va décrire Coketown, je crois. Ouais. C'était un jour d'été ensoleillé. La chose arrivait parfois, même à Coketown. Vu de loin par ce temps, Coctane apparaissait noyée dans une brume inaccessible aux rayons du soleil. On savait seulement que cette ville était là, parce qu'on savait que la tache maussade qui s'étalait dans le paysage ne pouvait être qu'une ville. Un brouillard de suie et de fumée qui se dirigeait confusément tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt montait vers la voûte du ciel, tantôt s'avançait sombrement au ras du sol, selon que le vent s'élevait ou s'apaisait ou changeait de direction. Un enchevêtrement compact, sans forme, traversé par des nappes de lumière oblique, qui ne laissait voir que de grosses masses noires. Coctown, vu de loin, s'évoquait lui-même, bien qu'on ne pût distinguer aucune de ces briques. Le miracle, c'était qu'il fût là, qu'il avait été si souvent ruiné. Alors ça, là, ça devient sublime. Le miracle, c'était qu'il fût là, qu'il avait été si souvent ruiné qu'on restait confondu de voir qu'il avait résisté à tant de choses. Assurément, il n'y eut jamais porcelaine aussi fragile que celle dont étaient faits les manufacturiers de Coketown. Les eussiez-vous maniés le plus légèrement qu'il est possible, ils seraient encore tombés en morceaux avec tant de facilité que vous auriez pu les soupçonner d'avoir été fêlés auparavant. Ils étaient ruinés lorsqu'on leur demandait d'envoyer les petits manœuvres à l'école. Ils étaient ruinés quand on désignait des inspecteurs pour venir visiter leur fabrique. Ils étaient ruinés quand ces mêmes inspecteurs considéraient comme douteux qu'ils eussent tout à fait le droit de couper les gens en morceaux avec leurs machines. Ils étaient complètement ruinés quand on insinuait qu'ils n'avaient peut-être pas toujours besoin de faire tant de fumée. Outre la cuillère en or de M. Bounderby, qui était une chose généralement admise à Coketown, il y régnait aussi une autre fiction qui trouvait beaucoup de crédit. Elle se présentait sous forme de menace. Chaque fois qu'un citoyen de Coketown se croyait victime d'une injustice, c'est-à-dire chaque fois qu'on ne le laissait pas absolument libre de faire à sa guise, et qu'on voulait le tenir pour responsable des conséquences d'un quelconque de ses actes, on pouvait être sûr qu'il allait lancer sa terrible menace et affirmer qu'il aimerait mieux flanquer ses biens dans l'Atlantique. Cette menace avait terrifié le ministre de l'Intérieur, au point de le mettre à plusieurs reprises à deux doigts de la tombe. Cependant, les citoyens de Coketown étaient si bons patriotes, après tout, qu'ils n'avaient encore jamais flanqué leurs biens dans l'Atlantique, mais au contraire avaient eu la bonté d'en prendre grand soin. C'est pourquoi ces biens étaient là-bas dans la brume, et il croissait et se multipliait. Voilà, je suis effaré, quoi. C'est terrifiant de voir que, voilà, il y a 150 ans, tout était là, déjà. Sauf qu'aujourd'hui, on parle plus de mettre ses biens dans l'Atlantique, on parle d'émigrer en Chine ou en Suisse. Voilà, c'est peut-être les petites différences, mais... envoyer les gosses au boulot, oui, c'est seulement en Chine, c'est pas chez nous. Chez nous, c'est travailler 10 heures au lieu de 8 heures, c'est faire machine arrière. Mais tout est là. Puis quel humour, hein. Bon, enfin bon, l'humour. Quel humour. Voilà. Ça aussi, c'était un grand passage politique. Alors, là, qu'est-ce que j'ai noté? Économie. Bon, 168, 169. Alors, ah bon? Moi, je vois pas bien ce que je devais dire. Oui, si. Donc, on parle d'un petit mec là c'est le petit élevé dans l'école de Grad Green. Donc, un homme qui a perdu toute son humanité, qui veut monter socialement, mais c'est pas le gars très riche, hein, c'est le pauvre gars, quoi. Bitzer remplissait la respectable fonction d'espion et d'informateur dans l'établissement et recevait pour ses services volontaires un cadeau à Noël en plus de son salaire hebdomadaire. C'était maintenant un jeune homme extrêmement perspicace, avisé, prudent, qui ferait sûrement son chemin dans le monde. Son esprit était si méthodique qu'il n'avait ni affection, ni passion. Son esprit était si méthodique qu'il n'avait ni affection, ni passion. Ça, c'est quand même... Tout est dit là, hein. Toutes ses actions procédaient des calculs les plus méticuleux et les plus froids, et ce n'était pas sans raison que Miss Sparsit faisait habituellement remarquer en parlant de lui que ce jeune homme avait les principes les plus solides et qu'elle eût jamais connu. Ayant acquis la certitude, à la mort de son père, que sa mère avait droit à être hospitalisée à Coketown, cet excellent économiste en herbe avait revendiqué ce droit pour elle en s'attachant avec tant de persistance au principe du cas en cause qu'elle avait été depuis lors enfermée à l'hospice. Il faut reconnaître qu'il lui allouait une demi-livre de thé par an, ce qui était une faiblesse de sa part. Premièrement, parce que tous les cadeaux tendent inévitablement à habituer ceux qui les reçoivent à compter sur le secours d'autrui. Secondement, parce que la seule transaction raisonnable qu'il aurait dû faire concernant cette denrée aurait été de l'acheter au prix le plus bas possible pour le revendre au prix le plus élevé possible. Les philosophes ayant clairement établi que la totalité des devoirs de l'homme sont compris là-dedans, non pas seulement une partie de ses devoirs, mais leur totalité. Hein? Voilà. Bon. Voilà. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Ensuite... Ça, c'est terrible. C'est une diatribe anti-syndicaliste, anti-syndicale de la part de, bah, des bourgeois, là. Ils devraient pas embaucher. Ils devraient pas. Alors là, c'était justement contre le droit de réunion, contre le droit d'association. Bref, contre le syndicat qu'ils parlaient. Et donc, à un moment, il est très regrettable, dit Miss Sparsit, qui rendit son nez encore plus romain et ses sourcils encore plus coriolanesques dans son redoublement de sévérité, que les patrons ne s'unissent pas pour s'opposer à ces combinaisons de classes. Voilà. Donc, il faut l'union des patrons contre ces... Bon. L'autre répond, oui, ma'am, dit Bitzer. En s'unissant eux-mêmes, ils devraient d'un commun accord refuser d'employer tout homme qui se serait associé à un autre. Voilà, c'est ça aussi, j'ai trouvé ça. Alors, ensuite. Voilà, au milieu, je crois que c'était là, c'est un passage intéressant. Voilà, il y a le petit ambitieux qui dit, mais pourquoi les autres ne sont pas comme moi? Donc, ils sont sérieux, mettre de l'argent de côté, puis avoir une vie dédiée à l'argent. Ce qu'une personne peut faire, une autre peut le faire aussi. Ça, c'est typique du truc américain. Je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Voilà, bon, c'est bon, bref. C'était là une des fictions de Coketown. N'importe quel capitaliste qui avait su faire sortir 60 000 livres d'une pièce de 6 pence se déclarait toujours étonné que les 60 000 ouvriers qui l'entouraient ne fissent pas sortir aussi 60 000 livres de 6 pence, et reprocher plus ou moins à chacun d'eux de ne pas accomplir ce petit exploit. Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Pourquoi ne le faites-vous pas? Voilà. Hein, quand on veut, on peut. Hein, on est tous... hein, bon, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais non, je le pense, mais je ne le dis pas. Voilà, bref. Enfin, vous voyez quoi. Alors, je crois qu'il y a un passage terrible sur le frère de Louisa, Tom, qui est vraiment pas un... C'est pas quelqu'un de bien. C'était une chose bien remarquable qu'un jeune homme élevé selon un système de contraintes perpétuelles et contre nature fût un hypocrite. Alors c'est très ironique, hein. Bon, il fait semblant d'être surpris qu'il soit hypocrite alors qu'il a été élevé affreusement. Je recommence. C'était une chose bien remarquable qu'un jeune homme élevé selon un système de contraintes perpétuelles et contre nature fût un hypocrite. Mais tel était certainement le cas de Tom. C'était une chose bien étrange qu'un jeune homme qui n'avait jamais été laissé à sa propre initiative durant 5 minutes consécutives fût finalement incapable de se diriger lui-même. Mais il en était ainsi de Tom. C'était une chose absolument inexplicable qu'un jeune homme dont l'imagination avait été étouffée au berceau fût encore incommodé par son fantôme sous la forme d'une basse sensualité. Mais Tom, à n'en pas douter, était pareil monstre. C'est quand même assez... voilà, bon, c'est sa vision de... Bon, pourquoi Tom est devenu Tom, voilà. C'est assez récent, sa phrase sur l'imagination provoque le fait que Tom soit incommodé par son fantôme sous la forme d'une basse sensualité. Intéressant, hein. Le lien... Voilà. Alors ensuite, oh là là, qu'est-ce que j'ai comme passage? Je crois que je vais devoir faire une pause. Oui, je vais faire une pause. Alors encore des passages que j'ai notés, qui m'ont paru très beaux. Alors là, c'est un passage de Stephen, hein, Stephen Blackpool, là, l'ouvrier, qui s'explique, il lui donne un langage quand même bien, bien typé, bon, mais qui s'explique, il a des visions pénétrantes de la société derrière une apparente simplicité de langage ou naïveté. Voilà, j'en dis pas plus, je lis le passage. Donc je pense qu'il parle à Bounderby, l'affreux gros méchant. Donc son patron, hein. Monsieur, j'ai jamais été fort pour expliquer les choses, bien que j'ai eu ma part pour ce qui est de les supporter. À dire vrai, monsieur, nous sommes dans un brouillamini. Ça, c'est la grande expression de Stephen, le brouillamini. Regardez comme autour de vous, dans cette ville, riche comme elle est, et voyez le nombre de gens qui sont nés ici, qui doivent tisser, carder, gagner durement leur vie, tous à peu près de la même façon, entre leur berceau et leur tombe. Voyez comme nous vivons, où nous vivons, à combien nous vivons, et par quel hasard et de quelle façon toutes pareilles. Et voyez comme les fabriques marchent sans arrêt, sans jamais nous amener à un but quelconque, excepté la mort. Voyez comme vous nous traitez, comme vous écrivez sur nous, comme vous parlez de nous, et comme vous envoyez des députations au ministre à notre sujet, et comme il arrive que vous avez toujours raison et nous toujours tort, et qu'il n'y ait jamais eu de raison en nous depuis que nous sommes nés. Voyez comme c'est toujours allé en augmentant, et de plus en plus grand, et de plus en plus fort, et de plus en plus dur, d'année en année, et de génération en génération. Qui peut voir ça, monsieur, et venir dire en bonne justice que c'est pas un brouillamini? Voilà. C'est un beau passage, je trouve. Et d'ailleurs, sur ce, il va être viré, tout simplement. Il a donné son avis. Voilà. Il va être viré. Ensuite, autre passage sur les travailleurs. Alors, je cherche le passage et j'essaye de le retrouver. Bon, je vais lire le paragraphe. Monsieur, dit-il avec mon peu d'instruction et mes façons ordinaires, je ne peux pas expliquer à ce monsieur de quelle manière on pourrait améliorer tout ça, bien que quelques travailleurs de cette ville qui ont des capacités au-dessus des miennes le pourraient. Mais je peux lui dire de quelle manière on ne le fera jamais. La manière forte le fera jamais. Victoire et triomphe le feront jamais. C'est pas en s'arrangeant pour qu'un côté ait l'air d'avoir toujours tort, quand c'est pas vrai, et l'autre... Non... C'est pas en s'arrangeant pour qu'un côté ait l'air d'avoir toujours raison quand c'est pas vrai, et l'autre toujours tort quand c'est pas vrai, qu'on le fera jamais. Ni en laissant les choses telles qu'elles sont. Laisser des milliers de gens mener la même vie et tomber dans le même brouillamini, et ils ne feront qu'un comme vous ne ferez qu'un aussi. Et il y aura entre ces deux mondes un gouffre noir infranchissable, juste aussi longtemps, ou aussi peu de temps que cette misère-là subsistera. Ne pas se rapprocher avec bienveillance, avec patience, avec bonne humeur de gens qui se rapprochent les uns les autres dans leurs nombreux tracas et qui se prêtent assistance dans leur détresse au point de donner ce qui leur fait besoin à eux-mêmes, je le crois humblement, plus qu'aucun des gens que ce monsieur a rencontré dans ses voyages, ça ne changera rien non plus tant que le soleil ne sera pas changé en glace. Et par-dessus tout, évaluer les gens en force motrice, leur fixer des règles, comme s'ils étaient les chiffres d'un total ou des machines, comme s'ils n'avaient ni affection, ni sympathie, ni souvenir, ni préférence, ni une âme pour languir et pour espérer. Quand tout est calme, les laisser croupir comme s'ils n'avaient aucun sentiment humain, et quand il y a de l'agitation pour reprocher de manquer ces sentiments humains dans leur rapport avec vous, ça n'arrangera jamais rien, monsieur, jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu soit détruite. Voilà, c'est quand même beau, non? C'est vraiment tout. C'est magnifique, quoi. Voilà. Ensuite, passage sur. Un passage, j'ai noté antimatérialiste. Oula, tout un programme, page 230. J'y suis. Voilà. Donc, Steven, quand il quitte Cooktown, il dit au revoir à son ami. La dame dont j'ai oublié le nom. Donc elle lui dit, puisse-t-il te protéger aussi, Steven, le ciel, dans tous tes voyages, et t'envoyer enfin la paix et le repos. Et Steven répond, je t'ai dit cette nuit-là, mon ami, que jamais je verrai rien, et ne penserai rien, et ne penserai à rien, qui me mette en colère, sans que toi, qui es tellement meilleur que moi, tu sois à mon côté. T'es près de moi maintenant, et tu me fais voir la chose sous un meilleur jour. Bonne nuit. Au revoir. Alors que on pense que c'est un adieu, en fait. Alors, le paragraphe suivant, c'est celui-là, hein, qui suit cet adieu. Alors, cet adieu précipité, dans une rue commune, fut pourtant un souvenir sacré pour ces deux êtres du commun. Économiste utilitariste, maître d'école décharné, délégué aux faits, incroyant distingué et alangui, dégoiseur de forces credos éculées, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Tandis qu'il en est temps encore, cultivez en eux toutes les grâces de l'imagination et du sentiment pour orner leur vie, si dénuée d'ornement. Sinon, au jour de votre triomphe, lorsque le goût du merveilleux aura été à tout jamais chassé de leurs âmes, et qu'ils se trouveront face à face avec leur existence dénudée, la réalité se changera en loup et vous dévorera. Voilà, alors ce passage, moi je l'ai trouvé sublime. Hein. Par contre, c'est très intéressant politiquement, je trouve, parce que... Bon, il dit qu'en gros, il faut préserver l'imagination et le sentiment chez les pauvres, hein, en gros. Faut pas écraser ça en eux. Donc, effectivement, faut pas rendre la vie tellement matérialiste que... Bon. Ce qui est terrible, c'est que... Je trouve que cette réflexion de Dickens, elle part d'un très très bon sentiment, évidemment. Comment ne pas vouloir ça? C'est bon... Sauf qu'aujourd'hui, cette approche, parce que on était aux premières moitiés du 19e, mais depuis, il y a eu des penseurs, justement, de droite, qui ont réfléchi à ça. Et on arrive, effectivement, dans une religion manipulée par la droite. Une religion qui serait justement le moyen de faire tenir le système, dans un système injuste. Si on permet aux gens de croire, ça peut sauver le système. Donc c'est assez fantastique parce que finalement ça a été repris, quoi. Et bon, comment expliquer ça mieux qu'en disant que voilà, quel était le surnom de la religion dans les pays communistes? C'était l'opium du peuple. Et ben voilà. Est-ce que Dickens aurait dit ça, aurait dit qu'il fallait cultiver l'imagination? Parce que derrière, bon, il ne parle pas de religion, c'est vrai, mais... Je sais bien. Mais on sent... Hein, il y a quand même parmi la liste des horreurs, des méchants, il y a les dégoiseurs de forces credos éculées. Voilà, ceux qui critiquent le merveilleux du religieux, hein, credo, bon... Enfin, c'est mon interprétation, hein. Bon. Et... Voilà. Donc... Effectivement, l'imagination, ouais, c'est un peu comme ça qu'on voudrait faire tenir le système, en endormant les peuples, continuer au moins à imaginer. Et aujourd'hui, on est je parlais du communisme, mais là, maintenant, dans nos pays libres, machin et tout ça, comment ça tient? Alors, certes, l'imagination vole bas, c'est plus du foot et de la Star Academy, mais malgré tout, c'est bien ça l'enjeu, c'est un peu les jeux du cirque. Alors, on n'est pas dans l'imagination noble vantée par Dickens, mais... En tout cas, certains ont bien compris que... Où était l'enjeu de laisser une apparence de sentiment aux gens? Voilà. Bon, bref. Vous avez compris, je pense. Alors, un passage. Ouh. Oui, c'est un petit passage d'humour, ça nous changera. Enfin, il y a de l'humour, mais enfin, bon, c'est toujours un peu triste. Là, non, c'est le beau parleur. En fait, c'est Monsieur Harthouse. Harthouse. Et voilà, il y a une blague. Voilà, il parle avec Madame Sparcit, celle qui travaille pour Bounderby, la vieille rombière, grosse et bête et méchante. Ouais, c'est ça. Hein. Elle se prit d'une grande amitié pour Monsieur Harthouse et elle eut avec lui un agréable entretien peu après son arrivée. Elle lui fit sa cérémonieuse révérence au jardin un matin avant le petit déjeuner. Il me semble que c'était hier, lui dit-elle, que j'ai eu l'honneur de vous recevoir à la banque, le jour où vous avez eu la bonté de désirer être informé de l'adresse de Monsieur Bounderby. Occasion que je ne risque pas d'oublier, j'en suis sûr, dans la suite des siècles, dit Monsieur Harthouse en saluant Miss Sparsit d'un air suprêmement indolent. Nous vivons dans un monde bizarre, monsieur, dit Miss Sparsit. J'ai eu l'honneur, par une coïncidence dont je suis fier, de faire une remarque similaire en substance, bien qu'exprimée beaucoup moins spirituellement. Et puis elle continue, bref. Un monde bizarre, parce que. Mais alors je trouve ça très drôle, quand même. Bon. Rien de tel pour rendre ridicule quelqu'un, que l'affaire se faire moquer par de façon aussi grossière, quand même. Bon, mais. Elle comprend pas du tout. Dans la suite des siècles, je ne risque pas d'oublier dans la suite des siècles. Où nous vivons dans un monde bizarre qui devient une coïncidence, par une coïncidence dont je suis fier, j'ai fait une remarque similaire en substance, bien qu'exprimée beaucoup moins spirituellement. Je trouve ça très très très drôle. Voilà. Alors ensuite, là, c'est Louisa. Louisa qui est effondrée. Alors, je ne sais pas trop où commencer, hein, parce que. Elle arrive, elle va voir son père. Qu'y a-t-il? Je t'en conjure, Louisa, dis-moi ce qui se passe. Elle se laissa tomber sur un siège devant lui et posa sa main droite sur son bras. Père, vous m'avez élevée dès le berceau. Oui, Louisa, je maudis l'heure où je suis née pour un tel destin. Il la regarda avec un sentiment de doute et de crainte, en répétant d'un air hébété: Tu maudis l'heure? Tu maudis l'heure? Comment avez-vous pu me donner la vie et me priver de toutes les choses inappréciables qui élèvent au-dessus d'un état de mort consciente? Où sont les grâces de mon âme? Où sont les sentiments de mon cœur? Qu'avez-vous fait, ô Père? Qu'avez-vous fait de ce jardin qui aurait dû fleurir autrefois dans le morne-désert vert que je porte en moi? Elle se frappa la poitrine des deux mains. S'il avait jamais été là, ses cendres seules auraient suffi à me sauver du vide où sombre ma vie entière. Je ne voulais pas vous en parler, mais, Père, vous rappelez-vous la dernière fois que nous avons causé dans cette pièce? Il avait été si peu préparé à ce qu'il entendait maintenant, que c'est avec difficulté qu'il répondit. Oui, Louisa, ce qui vient de monter à mes lèvres, il serait monté alors. Alors là, je fais une interruption. C'était la dernière fois qu'ils ont parlé, c'est quand justement il lui a proposé d'épouser Bounderby. Voilà, donc c'était le grand moment où finalement elle a hésité. Et devant l'apparence enfin, devant la certitude d'être incomprise de son père, elle n'a pas insisté et bon, elle est restée et elle est restée et elle est restée finalement, elle a accepté. Voilà. Alors je reprends. Ce qui vient de monter à mes lèvres, il serait monté alors, si vous m'aviez aidé, ne fût-ce qu'un instant. Je ne vous fais pas de reproche, père. Ce que vous n'avez jamais cultivé en moi, vous ne l'avez jamais cultivé en vous-même. Mais si seulement vous l'aviez fait jadis, ou si seulement vous m'aviez laissé à l'abandon, ah, comme je serais aujourd'hui une créature meilleure et plus heureuse. En l'entendant parler ainsi, après tous ses soins, il inclina la tête sur sa main et laissa échapper un gémissement. Père, Si vous aviez su, la dernière fois que nous nous sommes trouvés ensemble ici, ce que je craignais déjà tout en luttant contre cette crainte, comme ce fut ma tâche depuis ma petite enfance de lutter contre toutes les impulsions naturelles qui s'éveillaient dans mon cœur, si vous aviez su que subsistaient en moi des susceptibilités, des sentiments, des faiblesses, qui, tendrement soignées, auraient pu devenir une force défiant tous les calculs faits par l'homme, et aussi incomprise de son arithmétique que l'est son créateur. Si vous l'aviez su, m'auriez-vous donné au mari que maintenant je suis sûr de haïr ? Non, dit-il, non, ma pauvre enfant. M'auriez-vous condamné à aucun moment à subir ce gel, cette bruissure, je connais pas ce mot, cette bruissure qui m'ont durci et flétri ? M'auriez-vous dépouillé, sans enrichissement pour personne, simplement pour la plus grande désolation de ce monde, de la partie immatérielle de ma vie, du printemps et de l'été de ma confiance, de mon refuge contre tout ce qui est sordide et mauvais dans les réalités qui m'entourent, de l'école où j'aurais appris à être plus humble et plus confiante à leur égard et à nourrir l'espoir de les améliorer dans ma modeste sphère. Oh non, non, non, Louisa. Pourtant, père, si j'avais été complètement aveugle, et si je n'avais pu me diriger qu'en tâtonnant, et si j'avais été libre, connaissant la forme et la surface des choses, d'exercer si peu que ce soit mon imagination à partir d'elle, j'aurais été un million de fois plus expérimentée, plus heureuse, plus aimante, plus satisfaite, plus innocente et plus humaine à tous égards que je ne le suis, voyant comme je vois. Maintenant, écoutez ce que je suis venu vous dire. Il s'avança pour la soutenir. Elles s'étaient levées en même temps, ils se trouvèrent tout près l'un de l'autre, elle, une main posée sur son épaule, le regardant fixement dans les yeux. C'est avec une faim et une soif en moi, père, qui n'ont jamais été apaisées, avec une ardente aspiration vers quelque sphère où les règles et les chiffres et les définitions ne joueraient pas d'un pouvoir absolu, que j'ai grandi, en bataillant pied à pied. Je n'ai jamais su que tu étais malheureuse, mon enfant. Père, je l'ai toujours su, moi. Au cours de cette lutte, j'ai presque réussi à repousser et à terrasser l'ange qui veillait sur moi, jusqu'à le transformer en démon. Là, c'est Sissi. Ce que j'ai appris m'a enseigné le doute, l'incrédulité, le mépris, le regret de ce que je n'ai pas appris. Et il ne m'est resté pour ressource que la triste pensée que la vie passerait vite, et qu'elle ne renfermait rien qui valût la peine de lutter. « Toi qui es si jeune, Louisa, » dit-il avec pitié. Moi qui suis si jeune, c'est dans ces conditions, père, car je vous montre en ce moment sans crainte ni complaisance à quel état de mort est voué ordinairement mon esprit tel qu'il m'est connu, que vous m'avez proposé un mari. Je l'ai pris, je n'ai jamais prétendu l'aimer ni devant lui ni devant vous. Je savais, et, père, vous saviez qu'il, et il savait, que je ne l'ai jamais aimé. Ce mariage ne m'était pas complètement indifférent, car j'avais l'espoir de faire plaisir à Tom et de lui être utile. Donc Tom, le frère de Louisa. Je m'étais fait à cette folle évasion une idée, de cette folle évasion une idée chimérique à peu près, et peu à peu j'ai compris combien elle était folle. Mais Tom était le seul objet du peu de tendresse qu'il y avait dans ma vie. Peut-être l'était-il devenu parce que je savais si bien compatir à ses ennuis. Cela importe peu maintenant, si ce n'est que cela peut vous disposer à considérer ses erreurs avec plus d'indulgence. Comme son père la tenait dans ses bras, elle mit son autre main sur son autre épaule, et, continuant de le regarder fixement, elle poursuivit. Quand mon mariage fut irrévocablement consommé, la lutte que j'avais toujours soutenue se changea en rébellion contre ce lien, rébellion rendue plus violente par toutes les causes de disparité qu'engendrent nos deux natures, et que les lois générales ne pourront jamais gouverner ni définir, à moins qu'elles ne soient capables de montrer à l'anatomiste comment percer de son scalpel les secrets de mon âme. « Louisa, » dit-il, et il le dit d'une voix implorante, car il se rappelait bien ce qui s'était passé entre eux lors de leur précédente entrevue. « Je ne vous fais pas de reproches, père, je ne me plains pas, je suis ici dans un autre but. Que puis-je faire, mon enfant ? Dis-moi ce que tu veux. » « J'y viens, père. » C'est alors que le hasard a mis sur mon chemin une nouvelle connaissance, un homme comme je n'en avais encore jamais fréquenté, ayant l'habitude du monde, léger, raffiné, désinvolte, n'usant pas de faux-semblants, reconnaissant le peu de valeur de toute chose, comme j'osais à peine moi-même me l'avouer en secret. me donna l'impression presque immédiatement, bien que je ne sache pas comment il y est parvenu, qu'il me comprenait et lisait mes pensées. Je ne le trouvais pas pire que moi. Il semblait y avoir une grande conformité de caractère entre nous. Je m'étonnais seulement que cela valût la peine pour lui, qui ne se souciait de rien d'autre, de tant se soucier de moi. « De toi, Louisa ?» Son père aurait peut-être involontairement desserré son étreinte s'il n'avait senti que les forces de Louisa l'abandonnaient, et s'il n'avait vu une lueur d'égarement dans les pupilles dilatées qu'elle braquait sur lui. Je n'ai rien à dire sur la manière dont il a plaidé sa cause pour gagner ma confiance. Il importe très peu de savoir comment il l'a gagnée. Mais père, il l'a gagnée. Ce que vous savez de l'histoire de mon mariage, il l'a bientôt su, entièrement. M. Gradgrind était blanc comme un linge et la serrait dans ses deux bras. Je n'ai rien fait de pire. Je ne vous ai pas déshonoré. Mais si vous me demandez si je l'ai aimé, si je l'aime, je vous dirai franchement, père, qu'il en est peut-être ainsi. Je ne sais pas. » Elle retira brusquement ses mains de dessus ses épaules et les pressa contre elle. Tandis que sur son visage méconnaissable et dans toute sa personne, tendue, résolue à tenter un dernier effort pour dire ce qu'elle avait à dire, ses sentiments longtemps contenus explosaient. Cette nuit, en l'absence de mon mari, il était avec moi et il m'a déclaré son amour. En ce moment même, il m'attend, car je n'ai pu l'éloigner par aucun autre moyen. Je ne sais pas si je regrette, je ne sais pas si j'ai honte, je ne sais pas si je suis dégradé à mes propres yeux. Ce que je sais, c'est que toute votre philosophie et tout ce que vous m'avez enseigné ne me sauveront pas, père. C'est vous qui m'avez amené là. Sauvez-moi par quelque autre moyen. » Il resserra son étreinte juste à temps pour l'empêcher de s'effondrer sur le sol, mais elle cria d'une voix terrible : « Je mourrai si vous me retenez. Laissez-moi tomber. » Et il l'étendit par terre, et il vit l'orgueil de son cœur et le triomphe de son système couché à ses pieds comme une masse inerte. Voilà, hein, bon là j'ai lu un très long passage, je le trouvais très beau, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, tout est là, c'est beau ce dialogue, et on voit d'ailleurs, on devine, hein, puisqu'on le voit, la bonté de Gradgrind qui va pas la rejeter, qui ne voulait que son bonheur malgré tout. Alors un petit passage à nouveau. Alors, donc, c'est Sissi qui veille Louisa. Alors, elle est en train de regagner le cœur de Louisa. Donc, Louisa qui est allongée, voilà, elle pense. Elle ne leva pas la tête, une colère sourde à l'idée qu'elle pouvait être vue dans sa détresse et que le regard involontaire qui l'avait si profondément blessée connaîtrait ce contentement suprême, couvé en elle comme un feu mauvais. Toute force étroitement comprimée déchire et détruit. L'air qui serait salutaire à la terre, l'eau qui l'enrichirait, la chaleur qui la rendrait féconde, la dévaste quand ils sont emprisonnés. Ainsi en était-il, même à cette heure, dans le cœur de Louisa. Ses qualités les plus fortes, depuis longtemps repliées sur elle-même, étaient devenues un bloc d'opiniâtreté qui se dressait contre une amie. Par bonheur, une douce main vint effleurer son cou, et Louisa comprit qu'on la croyait endormie. Cette main compatissante Par bonheur, une douce main vint effleurer son cou, et Louisa comprit qu'elle la croyait endormie. Cette main compatissante n'avait pas droit à son ressentiment. Elle pouvait rester posée sur elle. Elle y resta, faisant germer une foule de pensées plus douces, et Louisa se reposa. Tandis qu'elle s'apaisait dans le calme et la conscience d'être ainsi surveillée, quelques larmes montèrent à ses yeux, un visage toucha le sien. Elle sentit que des larmes coulaient aussi sur ce visage, et qu'elle en était la cause. Voilà, un très beau passage, ça m'émeut de le lire d'ailleurs. Voilà. 321. Je crois que on en arrive aux deux derniers passages. Alors, là, c'est Sissi qui est allé voir Harthouse pour lui le sommet sur. Juste avec un aplomb extraordinaire, l'aplomb de celle qui est sûre d'elle, de son bon droit, d'une morale droite, du bon sens, de lui demander de quitter la ville pour sauver Louisa de son âme, bon, ouais, de quelque chose, en tout cas de cet homme. Et elle le met par terre, il y a aussi une superbe, enfin bon, il y a une superbe confrontation, bref. Alors, bah, le passage est le suivant. Si elle avait essayé d'exercer quelque influence sur lui, au-delà de sa propre foi dans la vérité et la justesse de ses paroles, si elle avait dissimulé le moindre doute ou la moindre hésitation, ou si elle avait entretenu quelque arrière-pensée, ou usé de quelque stratagème, si elle avait manifesté ou ressenti le moindre trouble devant sa raillerie et son étonnement, ou devant quelque protestation qu'il eût pu émettre, il l'aurait défaite sur ce point. Mais il lui aurait été plus facile d'assombrir un ciel sans nuages en le regardant avec surprise que de l'émouvoir, elle. Très beau passage, très très très beau passage. En plus très psychologique, hein. Là, à la fin du livre, Dickens parle de l'avenir. Il pose des questions. Que perça-t-il de l'avenir? Il parle de Bounderby, je crois. Bon, là, c'est pas très intéressant. Une ouvrière du nom de Rachel. Rachel, donc, c'est la femme qui aimait Stephen et qui était aimée de lui aussi. Une ouvrière du nom de Rachel apparaissant de nouveau après une longue maladie à l'appel de la cloche de la fabrique. Alors attention, ce passage est d'autant plus important. Ne surtout pas écouter ce que je vais dire là, puisque c'est la toute fin du livre. Bon, c'est pas, ça n'empêche pas de profiter du livre, mais enfin, bon, ne pas l'écouter si on veut un peu de surprise en fin de livre. Une ouvrière du nom de Rachel apparaissant de nouveau après une longue maladie à l'appel de la cloche de la fabrique et allant et venant à heure fixe parmi les ouvrières de Cocktown, une femme d'une beauté pensive, toujours habillée de noir, mais d'un caractère aimable, paisible et même enjouée, qui, de tous les habitants de l'endroit, paraissait être la seule à prendre en pitié une misérable créature de son sexe, ivrognesse et dégradée, que l'on voyait parfois en ville venir furtivement, lui demander l'aumône et lui parler en pleurant. Une femme qui travaillait sans cesse, mais qui était contente de le faire et se soumettait à ce qu'elle considérait être sa destinée naturelle, jusqu'au jour où elle serait trop âgée pour travailler. Louisa vit-elle cela? Cela devait arriver. Paf. Donc ça, c'est l'avenir, quoi. Un frère solitaire à quelques milliers de miles de distance, écrivant sur une feuille de papier tachée de larmes que les paroles de Louisa ne s'étaient que trop tôt réalisées et qu'il échangerait volontiers tous les trésors du monde contre le bonheur de revoir son cher visage. Ce frère se rapprochant enfin de son pays avec l'espoir de la revoir, puis retardé par la maladie. Et finalement, une lettre d'une main inconnue disant qu'il était mort d'une fièvre à l'hôpital, à telle date. Mort dans le repentir et en vous chérissant, car votre nom fut sa dernière parole. Louisa vit-elle ces choses? Ces choses devaient arriver. Elle-même de nouveau épouse et mère, veillant, donc elle-même Louisa, hein, veillant avec amour sur ses enfants, toujours attentive à ce qu'ils eussent une enfance de l'esprit non moins qu'une enfance du corps, sachant que c'était là une chose encore plus belle et un bien dont chaque parcelle conservée en secret est un bienfait et un bonheur pour les plus sages, Louisa le vit-elle? Cela ne devait jamais arriver. Ça fait très mal, ça. Mais les heureux enfants de l'heureuse Sissi la chérissant, tous les enfants la chérissant, elle-même devenue experte en folklore enfantin, estimant qu'aucune innocence et jolie fantaisie ne doit être méprisée, s'efforçant de connaître ses frères plus humbles et d'embellir la routine et les réalités de leur vie avec ses grâces et ses délices de l'imagination sans lesquels le cœur de l'enfant se dessèche, la plus vigoureuse maturité physique n'est moralement qu'une mort. Et les preuves de la prospérité nationale les mieux établies par les chiffres ne sont qu'un man. Tessel Fares. Alors je comprends rien. Elle-même, suivant cette voie, non pas en vertu de quelques vœux ou engagements extravagants, ni au nom d'une communauté de frères ou de sœurs, ou d'un serment, ou d'un pacte, ou d'une mascarade, ou d'une vente de charité, mais simplement pour remplir un devoir. Louisa vit-elle cela quant à elle-même? Cela devait arriver. Chers lecteurs, il dépend de nous, de vous et de moi, dans nos deux champs d'action, que pareille chose soit ou ne soit pas. Puissent-elles être, et nous pourrons nous asseoir d'un cœur plus léger à notre foyer, pour voir notre feu se transformer en cendre grise et froide. Voilà, bon, je crois que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai fait un résumé très long, très décousu, mais c'est pas le but de faire quelque chose de propre ici, c'est très subjectif. Donc voilà, c'était ma vision de Temps difficile de Dickens. À noter quand même une dernière chose, il y a une préface dans l'édition que j'ai, Folio Classique, une préface de Pierre Gascard qui est magnifique, qui est d'une grande qualité, mais je trouve que waouh. Alors peut-être que une fois de plus il faut la lire à la fin du après avoir lu le livre, je pense que c'est mieux. Voilà, c'est fini pour Dickens. Temps difficile. Je voudrais ajouter une petite note suite à ma lecture de la biographie de Dickens. Or, juste celle qui est dans le livre, donc, qui est quand même assez touffue, hein, et qui n'essaye pas de dégager des idées, mais qui décrit assez précisément la vie de Dickens. Et il y a deux choses intéressantes. Tout d'abord, le rapport au divorce. Alors, j'en ai parlé, donc c'est Stephen Blackpool qui veut se séparer de sa femme, parce qu'effectivement, il n'y a plus rien entre eux, etc., il peut pas, bon, voilà. Et Dickens, il fait une sorte de plaidoyer pour le divorce, là, hein. Il dit que ça fait des drames de pas pouvoir permettre aux gens, et d'autant plus que dans les milieux favorisés, on peut divorcer, et pas dans les milieux ouvriers. Alors ça, c'est assez intéressant. Parce qu'effectivement, donc je m'en doutais, mais enfin bon, voilà, bref, dans sa vie, effectivement, il a divorcé, il a épousé quelqu'un avec qui il y a toujours eu des problèmes. Oh, ils n'ont pas divorcé très vite, hein. Je crois qu'il a fait 10 enfants quand même avec cette femme, ce qui l'a pas empêché. Alors c'est dit de façon un peu en filigrane, c'est bon, mais en gros, il a eu des aventures. Ils ont aussi hébergé une sœur de sa femme, parce qu'en fait, donc sa femme, c'était la fille de son éditeur. Il était jeune, hein, je pense qu'il avait une vingtaine d'années. Il a choisi parmi les filles, comme on dit. Enfin, bref. Je crois qu'il avait 4 filles. Son éditeur, il en a choisi une. Je crois qu'il a choisi Catherine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que assez vite, il y a une autre de ses sœurs, enfin une sœur de Catherine, qui a habité avec eux. Avec qui il s'est senti beaucoup plus d'affinité. Donc déjà, on sent bien la difficulté. Alors je sais pas ce qu'il y a eu, peut-être rien d'ailleurs avec elle. Mais en tout cas, voilà. Et elle est morte. Alors je sais pas combien de temps après, mais enfin pas. Ils sont pas restés ensemble 30 ans quoi. Donc cette deuxième sœur là qui vivait chez eux, elle est décédée. Quand elle est décédée, Dickens a eu beaucoup beaucoup de mal à l'accepter. Il a beaucoup souffert et il a demandé à être enterré à côté d'elle. Enfin bon, c'est quand même quelque chose, quoi. Ça a déjà dû bon, être clair pour sa femme. Bon, et je crois, si je me trompe pas, il y a une autre sœur de sa femme qui est venue ensuite bien plus tard habiter chez eux. Et au moment du divorce, cette autre sœur est restée dans leur foyer. Enfin, elle est restée avec Dickens. Elle a pris le parti de Dickens contre sa sœur. Donc Dickens a gardé la sœur de sa femme et les enfants. A priori, ils étaient très liés aussi. Mais savoir s'il y avait un lien particulier, c'est difficile à dire. Il y a aussi, en tout cas, ce qui était, c'était plus clair, il avait une liaison avec une autre femme. Bon, je... Bref, bon, en tout cas, on connaît pas bien tous les détails, mais ce dont on est sûr, c'est que Dickens demandait ça. Alors, ça, par transition, je vais, justement, je vais parler de l'autre sujet, c'est que il était vu comme un libéral. De ce point de vue-là, évidemment, c'est ça, c'est un libéral, bien sûr, au sens étymologique du terme. Enfin, étymologique politique, c'est bon, au sens plus ancien, on va dire. il est pour ce qui rend l'homme libre, voilà. Et donc, il y a deux choses qui entravent ça, c'est donc, par exemple, des choses sociales, puis des choses un peu plus politiques, effectivement. Bon, la monarchie pour Dickens, c'est pas la fin du monde, quoi, hein, c'est pas la panacée, en tout cas, c'est, voilà. Et on arrive à l'autre point, c'est que il est allé aux États-Unis. Il est allé aux États-Unis alors qu'il avait déjà une bonne carrière en France. Hein, et il a fait une grande tournée en France, en Angleterre, mais en France aussi, je pense, parce qu'il était passionné par la Révolution française, Dickens. Hein, on n'était plus dans les horreurs du début, donc bon, puis on était dans le mythe d'une révolution qui avait été largement rattrapée par la monarchie depuis. Bon. Puisqu'on est dans les années 30 là en gros, hein, 30 peut-être, alors 40 peut-être, quand il est allé aux États-Unis, donc il est parti hein, avec la femme et tout, bon, ce grand voyage, hein. Grand voyage, et il a été accueilli triomphalement, hein, c'est le mot, hein, il a fait des tournées incroyables, il a été vraiment été admiré, quoi. Hein. Parce qu'il était vu comme un libéral, justement, politiquement, c'était un moderne. Alors c'est rigolo parce que quand on lit son texte aujourd'hui, ça paraît sur certains points, certains, hein, c'est quand même plus compliqué que ça, mais sur certains points, il paraît complètement, il remet en cause le capitalisme, hein. Mais en fait, ce qu'on voyait à l'époque, c'était le fait qu'il remettait en cause une certaine la politique du passé. Donc finalement, c'était un libéral. Donc il était vraiment très favorablement accueilli par les Américains, tous les intellectuels américains et le monde politique américain. Il a été reçu à la Maison Blanche, Dickens. Enfin, on croit rêver, quoi. Hein, c'est un peu. Bref, c'est un grand tour des États-Unis. Voilà, il y a quelques. En plus, Dickens, c'est un grand croyant. Il a été assez, je crois, intéressé par une des religions américaines, une religion chrétienne, une des petites religions là, des gens qui ont fui l'Angleterre justement. Voilà. D'ailleurs, Dickens, entre parenthèses, il a aidé des gens à immigrer en Australie. Donc, c'est dire. Hein. Mais plus tard. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. Sauf qu'il a analysé la démocratie américaine et petit à petit il s'est rendu compte que, enfin, bon, c'est pareil, c'est pas très détaillé, mais enfin, a priori il n'a pas été du tout. Petit à petit, il en a vu les mauvais côtés. Donc c'est pas quelque chose de très simple. Donc il est retourné en Angleterre, il en avait ras-le-bol, je crois. Il retourne en Angleterre et il a écrit ses carnets de voyage qu'il avait déjà promis à son éditeur avant de partir et qui lui avait payé le voyage. C'est pas mal. Et quand ça s'est sorti aux États-Unis, ouf, fureur des Américains, fureur. Donc ce serait intéressant de lire ça. Donc grande fureur parce que bah il critiquait quoi. Hein, puis c'est pas si simple, hein, parce que de plus en plus Dickens, il est quand même dans le grand monde, et certes le monde artistique, hein, mais aussi, bon, il a dû croiser la reine d'Angleterre, hein, Victoria, je crois, à l'époque. Donc voilà. Bon, l'autre chose qui m'a passionné aussi, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup voyagé, partout, en Italie beaucoup, en Suisse, en France. Bon. En France, il a rencontré, c'est super, il a rencontré Hugo. Vigny, Dumas, et puis le théâtre, beaucoup, il aimait beaucoup le théâtre, donc il en a fait lui-même, il a fait des mises en scène, etc. Donc très très actif, hein, de toute façon. Et puis d'ailleurs, un jour, il est retourné aux États-Unis, mais bien longtemps après, il a été à nouveau très bien accueilli, toute la fureur était tombée, donc il a été bien accueilli, il a fait des lectures publiques, payante, hein. C'est quelque chose qui a marqué la fin de sa vie, hein. Enfin, une bonne partie de la fin de sa vie quand même, hein. À la fin, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça, donc des lectures. Il faisait des versions abrégées, en fait, de ses romans, et il allait les lire. Et il gagnait beaucoup d'argent, et il prenait un grand plaisir. Donc il y avait un côté. Ça aurait été un artiste, hein. Aujourd'hui, un artiste qui aurait aimé être devant son public. Voilà, c'est ça. Et il a adoré ça. Il a adoré raconter ses livres, avoir la foule qui en face de lui, qui boit ses paroles. Ça, c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu. Donc, bon, intéressant ça, à ce point-là aussi. Et du coup, c'est devenu un petit peu sa drogue, hein, à fin de vie. Donc, il faisait le tour de l'Angleterre, il fait des lectures partout. Bon. En Irlande, enfin bon, dans les pays anglo-saxons surtout, hein, bien sûr. Et puis aux États-Unis, il est retourné, donc il a été très bien accueilli, il a fait à nouveau beaucoup de lectures, et voilà. Voilà la vie de Dickens, en gros, les points qui m'ont intéressé particulièrement. Oui, il est issu d'un milieu assez modeste, son père avait des problèmes d'argent, même si c'était pas un ouvrier de base, il a fait un peu d'études jusqu'à 10 ans, ensuite il a dû se cultiver lui-même. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est fait lui-même, qui devait avoir de bonne qualité. Et notamment, il s'est beaucoup intéressé à la question des prisons, parce que son père, lui, a été en prison pour cause de dette. Hein. Donc il y a été assez souvent, il a visité des prisons, voilà. Mais c'était un peu, le Dickens, c'est un peu ça, c'est aider le monde ouvrier, mais c'est pas révolutionnaire, quoi, pas du tout, hein. C'est pas un penseur politique révolutionnaire, mais adoucir la situation des ouvriers, hein, de les éduquer aussi. Il a fait des lectures au départ gratuites devant des ouvriers. Bon, donc c'est un peu ça. Et il a fait aussi un ouais, mais seulement c'est dans la religion. C'est très ancien monde, hein, ça. Il a notamment il a fait un fouet. Il a fait beaucoup de journaux, hein, des journaux. Je me demande si certains n'existent pas encore d'ailleurs. Donc il était très actif aussi sur ce plan-là. Et il a ouvert aussi un foyer pour jeunes filles, des jeunes filles déchues, hein, voilà. Bon. Des filles mères, quoi, hein, ou des prostituées, je ne sais pas trop, mais bon. Et il les a. Alors, un foyer avec des règles, il s'amusait lui-même à faire des règles, des dizaines de règles. C'est pas très glorieux, hein, franchement, parce que c'est des règles limites, quoi. C'est sur la propreté, la machin. Enfin, c'est assez terrifiant, quoi. C'est d'une. Bon. Je sais pas, pour la rédemption, il fallait les tenir, quoi. Hein. Donc on faisait des tas de règles très coercitives. Bon, c'est pas glorieux, mais voilà, c'est complexe les choses. Hein. Il était dans une époque, il était très croyant, et voilà, enfin très croyant. Ça, c'est pas détaillé, mais bon, en tout cas, oui, c'est présent, c'est très présent. Voilà, à peu près l'essentiel. Bon, bah cette fois c'est tout pour Dickens, temps difficile.